Le chef du département d'Europe 2 du ministère coréen des Affaires étrangères s'est entretenu le 24 avec l'ambassadeur suédois en Corée sur des problèmes des rapports mutuels et du contact au niveau conseiller avec le citoyen canadien Lim Hyun-soo en cours des travaux forcés et limités pour ses crimes commis contre la République populaire démocratique de Corée. Ce rendez-vous s'est tenu sur la proposition par l'ambassadeur suédois de l'entretien du conseiller avec des criminels américains détenus en Corée. Le chef de département a souligné que face aux actes hostiles de l'administration d'Obama, tous les problèmes posés dans les rapports avec les États-Unis seront traités suivant la loi en temps de guerre, ce qui est la position de principe de la République populaire démocratique de Corée.